Mathématiques au mic. Ok, ok. Je reste gangster. Ok. Au mic, je suis paré pour te niquer, te déforailler. Mais pour bien sûr toucher, y'a pas de skill dans le mille millimètre. J't'arrête, stop. Y'a trop de boys qui me choquent en baissant leur frotte. Ça des nausées devant les kiss des. Et ça fait le gangster, terre. Alors que c'était l'over avec les schnecks. Game over pour tous ces mecs. Quand t'entends fanatique au mic, fais attention. Là, le mauvais garçon qui rentre en action. Fais péter les bras, fais grisiller les tympans. J'fais des homorragies internes, internes de l'oreille. Mon rap de test, c'est pas business. Mes textes sont aussi furax qu'annex. Ça ou du que crasse. J'ai trop de vis, j'analyse et j'élimine. Pédale, vas-y, range ta frime. Tu perds les pédales. Un deck, tu calmes. Pour rapper par l'aile, écrit à l'aide. Moi, j'me pars si tu es au MC. Si, si, la MIFA. Une tuerie pour mes rôles au micro avec mon flow. Un pro ou pas, moi et Kalama, Fana et le Beura sera toujours là. J'écris des textes à l'arrache, j't'avoue. Mais si fanatique s'applique, j'assure, ça va rendre fou. Trop de jaloux, Zoulou. Dans le rap, j'suis pas prêt, déserté. C'est une sortie, c'est pour, vas-y, c'est du lourd. Tout ça, c'est pour pas finir dans le four. On se fait ses cours par l'illicite. Te raconte par la suite, tu la connais. Ton jeu t'es pas, ignorez pas. Si tu veux faire à part, se mettre dans mode terre. T'en as barre de fer, faire tout contraire aux yeux. Mais merde, il est du shit. Tombé dans l'illicite, on sera jamais des fils exemplaires. On serre les coudes, moi et mes frères de l'air. Car c'est le hell avec tous mes scars là. Dans la veste, arrête pas. Vas-y, remballe ton rap business. Moi, je te raconte juste une histoire de test. Où je traîne, bloc 4, mon squat. Bernard Louvet ou de la Croix. En haut ou en bas, je jongle entre tout ça. Quartier nord, hardcore, issu de la tension est rude. La rue empoisonnée par la chemiture. C'est pour ça, sur les murs, tu vois. Nique la police, nique la justice. Sans oublier la politique et leur clic. Les jurés, ils allaient niquer les QG. Je te jure, un clan délinquant. Jugement sur jugement, à 14 ans, franchement, trop violent. Je t'avoue, si je me ferais serrer à chaque fois, je hors la loi. Je serais emprisonné à perpétuité. C'est pour ça, je suis distrait. Moi, je l'ai fait ce qu'il est de chemise. Pas finir en zombie et rester dans la Tessie. Avec quelques Kawasaki et des liasses de Yébi, de 500 bus. Avec ou sans métro, en duo ou en solo. Nique sa mère, je gagne le flow des barjots. C'est pour tous mes fonds, car le genre mes rimes de barbare, bâtard. En détail, ça sent l'Afrique. Attaque et pas la racaille. Je m'assure des batailles. Face au faux MC, je suis hyper sûr. Sortir de ma hurle, c'est trop dur. Tu peux pas comprendre, alors fonce dans le mur. Mon son est pas pour, c'est du lourd. Il est choquant à entendre. Qui peut prendre ce rap, il tape toujours à l'attaque. Même à la menace, je m'attaque d'un gun ou d'un uniforme. Nique et Moraf, bande de pétasse, trop. Non, vous êtes avec vos gadgets. Vous jouez les cowboys. Tapez ce taxi, parle de tout et de n'importe quoi. Attends, quand je dis ça, c'est la darka. Bref, de cette sorte, j'ai pénétré le RAP sans capote. Tout seul ou avec mes potes, j'ai trouvé ma porte. Je l'ai déjà dit et je le redis. Parasite de fanatique, écoute pas, évite les critiques. Si tu veux marcher de qui, fanatique et zombie, accompagné de son beat, de nique, brutal, l'animal s'installe. La dalle au mic, ça casse, toujours à l'attaque. T'es pas content, ni ta race qui passe. Dans le rap, c'est franc, mes freins ont lâché. Maintenant, qui peut m'arrêter? Je suis crime et criminel. Tu vois pas toi-même, écoute bien avec les oreilles. Comme à l'époque, des minem, c'était les battles. Nous, c'était la derrière et les combats. Voilà quoi, ouais. Fanatique, ok, ok, oh, Eli, c'est pour tout niquer, j'suis là. Ouais, ouais, j'te raconte juste ma vie, gangster, fanatique, fanatique, oh, Eli, c'est qui peut m'arrêter? Débarque en puissance. Aïe aïe aïe. Big up BBR 2-0-0. IQ. La mélodie c'est pas arrêté. Mes potes du ghetto. Père t'as compris. La mélodie du fanatique. T'as un putain de son.